quand le corps éthérique se sépare du corps physique, puis pour rester conscient, tu as un phénomène de douleur? Non. Pas de phénomène de douleur. Seulement que... Si tu n'as pas été entraîné petit à petit au cours des années à cette dislocation-là, qui est au niveau du corps atomique, les atomes du corps, l'énergie atomique du corps, tu perds conscience. Alors, petit à petit, il nous est enlevé de l'énergie physique, puis on, émotivement puis mentalement, on se convient de cet état-là. Puis il vient un point où tu n'as plus grande énergie physique. Mais tu te conviens de cet état-là. Puis plus tu avances, moins tu as de l'énergie physique, puis tu te conviens toujours de cet état-là. Mais si tu comparais ton état avec l'état que tu devrais avoir à ton âge, par exemple, tu te dirais, voyons, suis-tu malade? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Tu comprends ça, toi, Bert? As-tu commencé à perdre un petit peu de ta force physique? Hein? T'as pas... Y en a-tu qui commence à se sentir moins fort physiquement, moins d'énergie physique? Ouais. Ça, c'est naturel, ça. Ben, tu comprends qu'après 5-10 ans, t'en as perdu l'énergie physique. Parce que l'énergie est toute rendue dans le mental. Mais t'as tellement peu d'enthousiasme, puis t'es tellement coordonné dans tes actions à tous les niveaux, que t'as moins besoin d'énergie que les gens en ont besoin. De l'autre côté, dans le mental, t'en as beaucoup plus que les gens en ont. Puis on peut pas passer à côté de ça, de cette expérience-là. Moi, j'ai un de mes amis, là, c'est fort. T'es fort comme un cheval, puis aujourd'hui... Il travaille, puis ceci. Il travaille un petit peu, puis ceci. Il travaille, puis ceci. Aujourd'hui, il calcule ses énergies. Il calcule pas, c'est vibratoire. Tu sais. Il travaille pas pour rien. Non, il a son timing. Tu sais. Bon. On travaille ensemble à la maison, je te veux que ça avance pas vite. je plante des vis avec une drill, là. Moi, j'en fais après une vingtaine, là, je m'arrête. C'est épuisé ou... Ah, j'arrête. Je suis plus capable. J'arrête. Ça arrête. Toute la machine arrête. Là, je vais prendre un petit café. Je fais une petite cigarette. Prends une petite marche dehors. Ça, je reviens, je continue. Puis ma femme m'a timé. Elle dit, toi, tu prends un break là, à peu près tous les 12 minutes. Ouais. Je travaille d'une heure, puis je travaille 12 minutes. C'est le contraire de ce que les employés font. Ouais. En plus, un petit break de 15 minutes. Ouais, ben, les autres. En break. Ouais. Mais tu t'habitues à ça. Fait que ça te dérange. Tu sais. À un moment donné, là, quand tu atteins un certain niveau, celui dont tu parles, tu en viens à pouvoir séparer ton corps éthérique du restant, de tes autres corps à volonté. Et le but final de ça, c'est de travailler dans les terres. Travailler dans les terres. Il y a du monde dans les terres. Comme je te dis, tu arrives à te défaire, c'est-à-dire à ce que ton corps est éthérique se détache du restant à volonté, ça consciemment. Ouais. Il n'y a pas de perte de conscience. Ouais. Tandis que si t'as fait trop vite, vous perdrez conscience. À ce moment-là, le danger serait quoi? Ben, tu perds conscience, tu te tombes à tête, tu te casses la tête, tu te fracasses le cerveau, ça vient. Je dis, ouais, d'accord, mais à part de ça, il n'y a pas d'autre, je sais pas, un danger de commotion quelconque, pathologiquement parlant, là, pathologiquement parlant, si ton corps éthérique sortait, là, tu veux dire, là, s'il était tout d'un coup, là, tu mourrais. Le choc sera trop fort. Regarde comment est-ce que vous réagissez quand vous allez en astral, vous vous trouvez au plafond tout d'un coup, vous regardez votre corps physique, vous paniquez, vous vous rentrez dedans tout de suite. Hein?